Au sport. Le 6 décembre. Dans la Ligue de basketball Benjamin masculine division 3, Louis-Saint-Laurent affronte Marie-Rivière à l'école secondaire Jeanne-Mance à midi. Au hockey mineur, dans la Ligue Simple-Lettres Offer de Saint-François, l'équipe atombée des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Blazer Frontière à Istengus à 15h. L'équipe Pee-Wee A visite Métro Brunel-Val-Saint-François à Windsor à 13h15. L'équipe Bantam A reçoit Turmel à 16h15. L'équipe Midget A accueille Lac Mégantic à 19h15. L'équipe Midget B est à domicile pour affronter Turmel à 17h45. Le 7 décembre, au hockey mineur dans la Ligue Simple-Lettres Offord-Saint-François, l'équipe Novice A des Sharks reçoit Jets Frontières à Istengus à 13h30. L'équipe Bantam A affronte Hockey Expert Sherbrooke à l'aréna Eugène Lalonde à 18h30. L'équipe Midget B se rend à l'aréna Yvan-Dugré pour se mesurer à Thibault GM Sherbrooke à 19h30.